On va parler de football canadien. On va parler avec un gars que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Un gars de la région qui connaît toute une saison avec les Alouettes de Montréal, David Ménard. Salut David! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Et David, 8 sacs du corps. J'écoutais l'autre fois un match des Alouettes à la radio, puis je sais que Jean Saint-Onge et son analyste disaient que c'était la plus belle surprise des Alouettes cette saison. Est-ce que tu es toi-même surpris de ta saison? Non, je suis pas surpris. Je travaille extrêmement fort à chaque année. C'est quelque chose que je vise à chaque fois. Cette année, j'ai le temps de jeu que je mérite. Puis j'ai le temps de jeu qui me permet vraiment d'exploiter mon talent. Donc c'est ça que ça donne. Puis non, je suis pas surpris. Je suis très content, mais non, je suis pas surpris. OK. Quand tu étais avec les Lions de Gambetta, je me rappelle avoir fait des entrevues, t'étais réserviste. Là, t'es rendu. Écoute, à quelque part, c'est quand même. C'est tout un changement nettement pour le mieux. Non seulement tu reviens avec ton équipe, mais tu reviens également. Tu reviens avec l'équipe de la province, mais en même temps, de voir que qu'on te donne le temps de jeu, ça, c'est encourageant aussi. Là. Oui, absolument. Absolument. C'est vraiment agréable de revenir et de contribuer au succès de l'équipe puis d'être en défensive. Le plus possible. Fait que oui, j'apprécie chaque instant, ouais. OK. Si on parlait un peu de la saison des Alouettes, ça va quand même assez bien. Si on regarde le classement, il y a des gros champs. Vous êtes maintenant assuré d'une place en série. Si on regarde les scénarios, probablement que vous seriez troisième. Est-ce que ça, c'est... Mais vous avez vraiment l'équipe pour aller loin, là. Fait que j'imagine que la confiance... Puis vous avez tenu tête à Winnipeg. C'est jamais facile de gagner de jouer à Winnipeg dans un territoire très, très hostile. Les Bombers, c'est la meilleure équipe de la Ligue canadienne. Donc, certainement que vous n'avez pas rougi de votre match la semaine passée. Là. Non, absolument pas. On l'a échappé, c'est malheureux. On est frustré de ça parce qu'on sent qu'on aurait pu gagner, mais ça, c'est littéralement l'histoire de chacune de nos défaites. Là. On aurait pu... chacune de nos défaites, c'est des petits détails puis des petites choses qui ont fait qu'on les a échappés, mais c'est chaque défaite, on aurait très bien pu les gagner. Fait qu'on n'est pas on n'a pas de sentiment d'infériorité face à personne, puis on le sait qu'on a on a l'équipe qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout. OK. Matthew Shields, il y a eu un problème de carrière cette année. Vernon Adams s'est blessé. Matthew Shields a bien fait pendant deux matchs. Là, c'est Trevor Harris qui va prendre la relève. Donc certainement que ce côté-là, c'est le fun de voir quand même que Danny Machocha et la direction des Alouettes font tout pour gagner là. Oui, absolument. C'est sûr, ils sont allés chercher un corps d'expérience qui était disponible, puis ça a porté fruit justement parce que Matthew Shields avait besoin de prendre un petit repos, donc ça met toutes les chances de notre côté, puis on a l'équipe derrière nous aussi, là, fait que non, c'est le fun de voir ça. Il y a un entraîneur du Rouge et Noir d'Ottawa qui a été congédié parce que bon, il a tenu des propos envers les francophones. Le Rouge et Noir a 11 francophones. Est-ce que du côté des Alouettes, est-ce que toi tu as senti ça fait longtemps que tu joues dans la Ligue canadienne, tu es allé à Colombie-Britannique, est-ce que tu sens que les francophones sont quand même bien perçus par dans la Ligue? Écoute, ça dépend des places, ça dépend des personnes. Je veux pas généraliser, puis je peux pas parler pour tout le monde. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression que j'ai toujours été bien traité, pareil à BC. Wally Bono, justement, c'est le GM entraîneur, mais lui, c'est un gars de Montréal aussi, puis il respectait toujours les francophones. Donc, j'ai jamais senti que j'avais des problèmes justement à cause d'être francophone. Tu sais, mais il y en a que. Fait que il y a peut-être des entraîneurs qui ont des États-Unis qui ont leurs des idées préconçues, mais c'est vraiment pas tout le monde. Puis moi je peux dire que j'ai déjà fait affaire avec des entraîneurs américains qui avaient aucun problème avec les francophones. Puis que tant que t'es un joueur qui est capable de bien jouer sur le terrain puis tu causes pas de problème, les entraîneurs en général ils ont pas de problème. Ben, d'ailleurs, j'étais vraiment surpris d'entendre. Ben oui. J'étais surpris justement d'entendre ça, l'histoire de l'entraîneur qui a été renvoyé. Là. Heureusement, la police a bien fait, là, puis avec en congédiant. Mais tu sais, le Rouge et Noir, ça va tellement pas bien. C'est toutes des affaires qui arrivent justement quand ça va pas bien. Même l'équipe qui est gagnante, puis je suis pas sûr que cette situation-là arrive. C'est sûr que quand ça va mal, ça met le feu aux poudres un petit peu, là, donc c'est ça. OK. Ben David, merci beaucoup. Félicitations pour ta saison avec les Alouettes. Puis on va peut-être s'en parler durant les séries. Super. Super, c'est moi qui te remercie. David Ménard de Chicoutimi qui a 8 sacs du corps et qui domine actuellement les Alouettes avec le nombre de sacs du corps.